la traversée internationale du lac Saint-Jean, mais il y a aussi le tournoi à bout de souffle, année après année. C'est un tournoi qui gagne en popularité. Pourquoi? Parce que il y a David Dernay du Canadien qui est une grosse attraction. Et on revient encore une fois cette année. On va parler avec Simon Gaudreau qui est le responsable du tournoi. Salut Simon! Oui, ça va bien. Simon, si on parlait un peu du tournoi, je te demanderais pas la question, je l'ai posé les autres années, pourquoi que vous faites ça en même temps que la traversée, semble-t-il que vous n'avez pas le choix de le faire, sauf que en même temps, il y a tellement de monde en ville que quelque part, vous devez bénéficier un peu de ça aussi. Oui, c'est sûr. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde à Robertval, ben, je pense que ça ajoute une attraction de plus, là, justement, là, aux nombreux événements de la traversée. Okay. Donc, je pense qu'on se dit pas, je pense plus qu'on se comprend. Okay. David Dernay va être encore présent. Oui, David va être là encore cette année. Jean-Gabriel Pageau va être là aussi. Là, on a une belle brochette de joueurs. Là, puis la relève pousse, ça va être intéressant. On va avoir des matchs qui vont être très intéressants. Okay. Est-ce que pour David, est-ce que ça devient difficile ou année après année, il se fait un plaisir de venir faire votre tournoi? Non, David, je sais qu'il se promène quand même pas mal dans la région là, pour ouais. Le festival. Là, il s'entraîne avec Francis, ils ont passé à Saint-Lucien il n'y a pas longtemps, puis on les voit à Saguenay. Fait qu'il vient tout le temps faire son tour, puis dans le fond, là, le tournoi pour lui, les dates fit, puis ça permet de venir retrouver ses chums là, du Saguenay, puis de rejouer au hockey au moins une fois ensemble. Là, fait que pour lui, là, c'est une partie de plaisir justement de retomber dans le sérieux de l'entraînement, puis de retourner à Montréal justement pour ses camps. OK. Comment il va y avoir d'équipe cette année? Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est il y a beaucoup d'équipes où ça ressemble pas mal aux autres années? Ben, dans le fond, on va avoir 16 équipes totales. Okay. On a eu pour la première fois 8 équipes dans la classe professionnelle. Oh. Donc on va avoir deux beaux pools de 4, là, ça va être intéressant. Là, dans le fond, le fonctionnement du tournoi, la quatrième position va être éliminé. On va avoir des quarts de finale entre les deux et troisième position. Puis les premières positions vont être directement en demi-finale. Fait que tout le monde est sûr de 3 matchs, presque 4. Donc ça rend la formule de tournoi intéressant parce qu'on joue contre tout le monde. Fait que ça va être le fun. OK. Est-ce que ça, évidemment, il y a Samuel Girard qui devient de plus en plus une attraction également dans le secteur. Est-ce qu'il va être là? Oui, Samuel va être là. Ils vont avoir une très bonne équipe. Ils ont gagné le tournoi à Saint-Félicien au mois de mai. Okay. Il joue avec deux autres. Il joue avec son frère Jérémy. Puis deux autres joueurs là, des Cataractes. James Fellem et Brandon Gignac. Okay. Puis ils sont complétés là, par Samuel Harvey des Huskies de Rouyn-Noranda, l'Allemagne. Yannick Jean va être là aussi. Je pense que son équipe, Yannick, puis Jérôme Boivin. Je pense qu'ils sont deux grands chums, eux autres aussi vont être là. Jérôme, je pense. Non? Jérôme, là, il a subi une blessure, je pense. Fait que pour le bout de souffle, je pense qu'il est pas correct. Yannick, lui, je pense qu'il était à Boston. Okay. Pour des petits trucs. Fait qu'il va arriver seulement samedi soir. Fait que ça va être le frère de Francis Véro qui va le remplacer pour les deux premiers matchs préliminaires. Fait que Jean-Simon va jouer avec son frère pour deux matchs. OK, OK. Pour les joueurs comme Samuel, comme David Dernay, Philippe Paradis doit être là aussi, j'imagine. Est-ce que c'est... Non? Philippe est pas là. OK, ça. OK. Mais pour eux autres, il n'y a aucun risque de blessure. Il me semble que moi, m'appeler le Canadien de Montréal, voir David Dernay participer à des tournois de même, j'aurais peur un petit peu là, des blessures. Mais y a-t-il un certain risque de blessure? Ça fait plusieurs années que tu l'organises. Est-ce qu'il y a eu des blessures dans ces tournois-là? C'est faible. Okay. Il est arrivé une fois un coup de bâton là, okay. Au visage, là, mais tu sais, c'était pas porté volontairement. Je pense que si le tournoi était sur une formule de 5 contre 5, peut-être que David ne participerait pas. Je le sais pas. Okay. C'est pas la réponse, mais le fait que ce soit un 3 contre 3, qu'il y ait beaucoup plus d'espace sur la patinoire, le risque de blessure est quand même plus minime. Là, puis je pense qu'il y a un respect entre les joueurs qui fait. Fait que ça joue du hockey intense, ça change rien de ça, sauf que les mises en échec sont pas tolérées, puis ces trucs-là, fait que déjà là, on arrête, il y a de possibilités de commotion ou ben quoi de même, à moins que le gars il se plante vraiment tout seul dans la bande, mais sinon le risque de blessure, là, l'ambulance n'est jamais venue, c'est notre 15e édition. OK. Au niveau des du financement, normalement c'est un tournoi qui se finance bien, ça? S'il se prend, par exemple, l'année passée, ça dépend, tout le temps des années, ça dépend des gens qui viennent à l'aréna. Mais tu sais, on met quand même des bonnes bourses, okay, là, au niveau professionnel, puis même dans l'amateur. Puis l'an passé, là, on a redonné de l'argent à Yannick Jean pour son école de hockey. Puis on a payé l'institution là, à des jeunes, okay, à des jeunes là, du secteur là, qui vont bénéficier d'une école de hockey. Ah. Gratuite pour la fin de prochaine. Donc, on rappelle les activités, c'est vendredi soir. David Dernay va jouer son premier match quand? David Dernay, à 20h, Jean-Gabriel Pageau va jouer, okay, contre une équipe du secteur. Ensuite, à 21h, ça va être l'équipe de David Dernay, François Véropol, Guillaume Bouchet qui joue en Angleterre, Jean-Simon Véropol, contre l'équipe à Samuel Girard, ah, okay, que j'ai nommé tout à l'heure. Fait que tout de suite, là, pour vendredi soir, là, la petite coqueluche de la place là, va être en action à 21h contre David Dernay. Puis on a un autre match de pro tout de suite après. Là, les anciens du collégial, Simon-Claude Blackburn, Miguel Gagnon, Marc-André Perrin, qui ont tous évolué en Europe l'année passée, ont une équipe ensemble qui vont jouer contre notre équipe, là, Félix Petit, Alexandre Tremblay, puis Maxime Provencher à 22. OK. Donc, le prix d'entrée est de combien? Le prix d'entrée de l'admission générale est de 3. OK, OK. Eux autres, dernière question, puis je vais juste parler des élites, parce que tu es un instructeur adjoint des élites en terminant. Eux autres, David, puis oui, Jean-Gabriel Pageau, là, j'imagine qu'ils ne forcent pas trop dans un tournoi comme ça, parce que, me semble, sont une coche en haut de tout le monde. Ah oui, ils veulent gagner. L'année passée, on sont allés en finale. Je pense qu'il y a personne qui veut aller là pour perdre. La question, on va être bonne pour le prouver, mais je pense pas qu'ils viennent ici. Et l'année passée, ça faisait une coupe d'année avec David. L'équipe de David n'avait pas gagné, puis il voulait le gagner. Ah ouais. L'année passée. Je pense pas que personne veut. Oui, on a du fun, puis on en profite dans cette semaine-là. Puis oui, il y en a qui se laissent aller, mais tu sais, je te dirais là, que les affrontements, les équipes, on commence à se connaître. Là, puis, il y a une petite rivalité. Ah ouais, il y a une petite rivalité. Hey, Simon, je veux te parler de parce que tu es un instructeur adjoint chez les élites. Il y a un gars d'ici, Jérémy Fortin, que tu connais très bien, qui est de Dolbeau-Missassigny. Ben oui. Penses-tu qu'il va faire les cataractes cette année? Ben, j'y souhaite. Hein, c'est ça qu'on souhaite à tous nos joueurs qui ont été repêchés. On y souhaite. On sait qu'ils travaillent fort cet été. Il y a beaucoup de cas d'entraînement, puis toute l'équipe. Je pense que c'est un joueur qui a un très beau potentiel, puis c'est sûr et certain que s'il peut jouer avec les cataractes l'année prochaine, ben on va être très content. OK. Peut-être c'est son âge, c'est son manque d'expérience qui pourrait peut-être jouer contre lui. Ben, tu sais, je connais pas toute la filiale de jeunes qu'il y a à Shawinigan. OK. Il y a une équipe qui sont jeunes, qui sont fougueux. Rendu là, combien qui ont de place pour un joueur de son style rendu là-bas? Je pense qu'il y en a, mais ça va être à lui de faire sa place. Oui, c'est sûr qu'il est jeune, mais c'est une équipe qui en a pris les jeunes dans le passé. Ouais. Je crois qu'il n'en prendrait pas encore cette année. Fait que s'il fit dans le moule, pourquoi pas? Sinon, ben, s'il revient déjà de 3, ben, je pense pas que ça soit une année perdue. Justement, on va avoir comme mission avec lui de soit le faire remonter aux fêtes ou qu'il se tarionne pas cette année prochaine avec les cataractes. C'est sûr et certain que c'est un jeune qui a un très bon potentiel. On me dit que c'est un gars qui est vraiment un bon kid. Un gars qui est facile à diriger. C'est un gars qui est très travaillant. J'imagine qu'il était capable de me confirmer ça. Oh oui, c'est un gars qui travaille, qui cherche, il est minutieux dans son travail aussi, il cherche des réponses à des solutions, des fois il y a de la mesure sur certaines techniques, des trucs comme ça, puis il pose des questions, puis il est intéressé, puis c'est un jeune justement, il est coachable, c'est un bon kid, on l'aime bien, il est bien drôle, puis c'est un patineur hors pair, tu sais, il y a des très belles habiletés, puis c'est de travailler avec ça, puis tout ça, mais son vouloir est là, puis dans le t'as lui les oreilles. Les élites, comment ça va dire quoi cette année? Est-ce que vous allez avoir une bonne équipe? Parce que parce que ça s'en vient là, dans même pas 3 semaines, le début du camp d'entraînement. Ça va vite, là? Ouais, le 9. Ouais. Le 9 ouais. Oui, on peut avoir une très bonne équipe. Là. On a de bon potentiel. On a quelques bons 15 ans qui montent. Après ça, on a beaucoup de jeunes qui ont été repêchés. On parle de 9 ou 10 joueurs qui ont été repêchés cette année. Fait que, est-ce qu'ils vont tous jouer junior majeur l'année prochaine? combien il va nous revenir, ça c'est sûr et certain que y a personne qui peut nous le dire, tu sais, c'est sûr que pour nous autres, c'est difficile de dire ah oui, nous autres, on va avoir exactement eux autres dans l'alignement contrairement à une équipe junior majeure. OK, OK. Mais c'est sûr et certain qu'on peut avoir une très bonne équipe là, si on a un retour du junior majeur. Puis sinon, ben, on a quand même une bonne profondeur, mais rendu là, on va plus le savoir rendu le 15 août, là, mais on va travailler avec les jeunes qui sont là. La structure intégrée des élites. Qui a été mise en place, des jeunes de 12, 13, 14 ans, ça doit commencer à donner des résultats pour le hockey en région? Ben oui, c'est certain. Ouais. De tous les avoir ensemble et de travailler ensemble. Tu sais, même nous autres, au niveau des élites, on s'implique là, par rapport aux autres, les jeunes, on les connaît depuis qu'ils sont jeunes. Fait que c'est sûr et certain que ça va. Okay. Ben, Simon Gaudreau, on va sauter la meilleure des chances pour le tournoi d'en fin de semaine, puis au plaisir de se reparler. Ouais, merci Simon Gaudreau, l'un des grands responsables du tournoi à bout de souffle qui va avoir lieu en fin de semaine à Robertville.